Chapitre 25. La présence des extraterrestres. Aujourd'hui, je vais donc parler des extraterrestres. Pour commencer à parler de cela, il va falloir, malheureusement, pour une fois, que je me censure quelque peu, que je fasse très attention. Pourquoi ? Lorsque dans le passé j'ai parlé du bon fin par exemple, ou du New Age, ou du pranisme, il y a bien des gens qui ont réagi très négativement. Les gens qui réagissent positivement, ils n'existent pas. Par contre, les gens qui réagissent négativement, ils existent. Ils protègent un business, une sécurité, d'une façon ou d'une autre. Donc, ils sont obligés de réagir et de s'engager en justice. Après, je dois prendre des avocats, j'ai des frais à payer, alors que je n'ai aucun bénéfice sur tout ce que je fais, si ce n'est d'apporter la vérité. Donc le protocole d'être dans la vérité, dans le monde d'aujourd'hui, est un protocole très difficile, très coûteux et même parfois extrêmement dangereux, voire mortel. Donc je vais parler de ce que je sais sur les extraterrestres d'une façon, on va dire, un peu cachée, un peu raisonnable. Mais en même temps, je vais vous apporter des choses que vous n'avez jamais entendues, j'en suis certain. La première question, c'est de savoir si, oui ou non, il y a des extraterrestres, et encore plus s'il y a des extraterrestres sur cette planète, sur la planète Terre. Et c'est une question ridicule. Et ridicule parce que on a des centaines de preuves, je dis bien des centaines de preuves, de l'existence de nombreux extraterrestres sur cette planète. C'est pas comme si on disait « Ah, peut-être là ou là, il y a peut-être un petit quelque chose ». Non, non, ce sont des centaines de preuves. Personnellement, comme j'ai déjà expliqué précédemment, j'ai travaillé pour différents gouvernements qui vous chantent que les extraterrestres n'existent pas, alors que je faisais partie d'une équipe de professionnels, qu'on était payé une fortune pour analyser ce que le gouvernement vous annonce comme n'existant pas, alors que nous avions hélicoptères, matériel, la plus haute technologie à notre disposition pour analyser ce que le même gouvernement vous déclare ne pas exister. Donc là, nous avons déjà comme un étrange paradoxe, évidemment. J'ai vu, en travaillant pour certaines armées, des photos d'extraterrestres gardées dans des centres militaires où il était extrêmement difficile de rentrer. D'ailleurs, je suis rentré d'une façon tout à fait illégal, simplement parce que un militaire m'a invité à porter une tenue, donc c'était très risqué, hein. Et je suis rentré en tant que colonel, je crois, capitaine, j'ai oublié maintenant, une tenue, et je suis rentré avec lui, qui faisait partie du système, donc je suis passé comme ça, mais j'avais absolument pas le droit d'être là, parce que j'ai travaillé pour l'armée, mais j'étais pas militaire. Et là, dans cette pièce, j'ai vu des photos qui n'ont rien à voir avec les photos qu'on vous présente dans les magazines. Des photos d'extraterrestres dans des vaisseaux, des photos absolument claires, limpides. Où on voit le détail des visages et de l'intérieur. Hein, si les photos autorisées sont toujours des photos très floues, et très, c'est exprès pour lancer toujours le débat de dire « Oui, c'est là, mais en fait, c'est une grosse bêtise. » De surcroît, si on prend par exemple l'exemple de Roswell, hein, en 1947, ben on a quelques éléments sur Roswell qui sont des preuves absolues, il n'y a plus à revenir dessus. On ne va pas parler de ces choses-là comme des espèces de clowns qui veulent toujours débattre pour savoir si, oui ou non, le clown a fait un supérieur ou pas, quoi. Je veux dire, il faut arrêter ce délire. Donc, par exemple, Roswell était au centre, si je puis dire, d'explosion atomique. Et Roswell, perdu dans le désert du Mexique, du Nouveau-Mexique, en même temps, est juste à côté juste à côté des centres nucléaires. Et donc, ce qui paraît un hasard complet, pourquoi perdu dans une ferme comme ça? Par contre, en réalité, la réalité de ça, c'est que c'est juste à côté des centres atomiques où les humains sont en train de développer des bombes de plus en plus puissantes et de faire les recherches les plus avancées. D'ailleurs, le centre de Roswell qui va venir pour analyser les débris et qui vont se mélanger, parce qu'ils vont se mélanger entre des vaisseaux d'extraterrestres et un ballon météo, ce sont des équipes de Roswell qui sont les centres militaires les plus avancés au niveau scientifique de toutes les États-Unis à ce moment-là. Donc ce n'est pas des petits militaires bouseux qui sont trompés, hein. C'est la pointe de la technologie militaire du moment. Qui, par la même occasion, le jour de Roswell, on a des militaires qui prennent des photos. Plus exactement, ce sont les journalistes qui prennent des photos avec les militaires qui présentent les débris du ballon, hein, puisque ce n'est pas un vaisseau d'extraterrestre, c'est finalement un ballon météorologique. Le seul problème, c'est que quand on se réfère au centre de Roswell, même quand quelqu'un va acheter du pain, simplement, c'est marqué. Hein, c'est un truc militaire, donc. Et le jour où l'on prend des militaires en train de prendre en train de tenir le ballon météorologique et que ces militaires viennent de Roswell, bah, quand on se réfère à ce jour-là sur le camp militaire de Roswell, il n'y a pas eu une sortie d'une seule personne. Donc déjà là, ça sent le roussi quand même, hein. Le jour d'avant, ou dans la soirée, juste avant, il y a eu un orage terrible et surtout des booms qui ont dépassé tout ce que jamais un être humain n'avait entendu, en tout cas dans la région. Beaucoup plus que de simples éclairs. Donc on parle d'une bataille, on parle d'un conflit. Et là, c'est pas deux personnes, c'est des milliers de personnes qui ont témoigné de ça. Et après, par rapport à Roswell, alors là où ça devient très intéressant, c'est que autour de Roswell, puisqu'il y a toujours eu cette erreur et que les gens n'ont pas trop insisté, bah oui, est-ce que Roswell est vrai ou pas? Eh bien, pendant très longtemps, on ne va pas le savoir. Sauf que par la suite, ces gens, ils vont vieillir. Et puis, ils sont sur leur lit de mort. Il y a une dizaine d'entre eux sur leur lit de mort, comme ils n'ont plus rien à perdre, comme ils vont mourir, qui déclarent, voilà, j'ai gardé ça sur mon estomac trop longtemps, et ils vont déclarer la véritable histoire, c'est-à-dire qu'il y avait même un extraterrestre vivant, qu'il y en avait deux autres qui étaient en cadavre, qui avaient des déchets. Il parle de ce métal qui recouvre le vaisseau, qui était comme de l'aluminium liquide, extrêmement solide en même temps, qui prenait toutes les formes, blablabla, bla, bla, bla. Enfin, plein de détails très techniques sur même le visage et l'apparence de ces extraterrestres. Et ils vont tous décrire qu'ils vivent une terreur totale parce qu'ils ont tous été menacés d'être tués s'ils en parlaient. Même des pilotes qui ont ramené des débris, enfin des gens qui n'étaient pas directement militaires, ils ont tous vécu dans une terreur totale. Et quand ils vont tous témoigner à la fin de leur vie, eh bien, ils témoignent tous et des mêmes événements et des mêmes menaces. C'est une dizaine de personnes qui ne se sont rencontrées effectivement que à Roswell ce jour-là, qui n'ont jamais été en contact les uns avec les autres, qui n'en ont jamais parlé dans leur vie, et qui, quand ils meurent, sur une période d'environ 20 ans, ils vont tous décrire exactement les mêmes choses qu'ils ont vues, et les mêmes conséquences, les menaces des militaires, le même protocole, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une preuve absolue. Parce que statistiquement parlant, ça va au-delà de la statistique du doute, c'est une preuve totale. Vous devez comprendre que lorsqu'il y a un crime quelque part et qu'on retrouve 3, 4 personnes qui témoignent vous avoir vu, qu'on retrouve encore un compte bancaire qui dit que vous aviez emprunté de l'argent, vous en prenez pour 20 ans déjà. Mais ici, il y a des milliers de personnes qui ont témoigné de l'événement, des explosions. Il y a énormément de journalistes qui ont témoigné d'avoir pris en photo, avoir vu une chose, et qu'ensuite, quand ils reviennent pour faire les photos, c'est un ballon météorologique, et ils disent tous, mais vous plaisantez, c'était pas ça. Il y a des dizaines de journalistes qui témoignent de ça. Puis ensuite, il y a une dizaine de personnes qui, au moment de leur mort, vont témoigner tous de la même chose. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle une preuve. Il n'y a plus de doute. C'est affaire classée. Il y a un vaisseau, enfin non, on va être clair, une planète qu'on a retrouvée dans les exoplanètes. Et la planète, on reconnaît une exoplanète parce qu'elle passe devant le Soleil. Par rapport à la lumière du Soleil qu'elle va absorber, on va reconnaître une planète et sa taille, ainsi de suite. Or là, il y a une planète qu'on va reconnaître par rapport à l'obscurité et qui est grosse comme... J'ai oublié, je pense que c'est 10 fois comme Jupiter. Donc elle est très grosse, mais par rapport à d'autres planètes, elle n'est pas si gigantesque que ça, parce que dans le cosmos, il y a de la place. Et cette planète, qui devrait bloquer 1% de son Soleil en passant devant, elle va bloquer, j'ai oublié, je crois que c'est 30% du Soleil. J'ai oublié, c'était 20 ou 30%. Mais bon, ça fait 20 fois trop, c'est impossible. C'est juste impossible. Et là, la seule possibilité scientifique qu'on a, c'est de dire que c'est une planète qui est fabriquée de toutes pièces, style l'étoile noire dans Star Wars, et qui est là pour absorber le Soleil, l'énergie du Soleil, certainement pour la réutiliser, pour la redistribuer, comme un espèce de capteur solaire hyper perfectionné. Alors là, les gens étaient très, très, très embarrassés avec ça. Très, très, très embarrassés avec ça. Et par la suite... Ils ont laissé tomber ce truc-là. Ils sont revenus 5 ans plus tard, je crois, observer encore ça. Et ça, la planète avait légèrement grossi. Et au lieu de 20% ou 30%, il y avait 5% plus, soit 25 ou 35%. C'est-à-dire que c'est en train d'être construit. Donc là, même si c'est très éloigné, on a une preuve absolue d'une intelligence... qui manufacture quelque chose qui dépasse de très très loin tout ce qu'on peut imaginer. Et j'ai même entendu un journaliste aux États-Unis, puisque aux États-Unis ça a été présenté d'une façon tout à fait ouverte, qui disait « Ah, alors peut-être qu'un jour on pourrait lancer un commerce avec ces gens-là, quelle que soit la forme. » Et la scientifique est là, elle dit « Vous savez, s'ils arrivent à construire une planète qui est 10 fois la taille de Jupiter pour capter l'énergie de leur soleil, et de faire quelque chose de si gigantesque, j'ai peur qu'on n'ait rien à leur offrir d'intéressant. » Ah oui. Et là encore, on voit encore une fois l'arrogance infinie de l'être humain. On a le vaisseau noir, qui est un vaisseau qui a été découvert et qui tourne autour de notre planète d'une façon irrégulière, qui est fait de matière pour être pratiquement imperceptible, même s'il a été perçu parfois avec des radars ou des satellites qui tournaient. Et c'est quelque chose qui est assez gros, qui tourne autour de la planète depuis longtemps et qui existe depuis, oui, 1920, un truc comme ça. Donc en 1920, on est incapable de lancer quoi que ce soit dans le ciel quand même, hein. Et ça ne peut en aucune façon ni être un météorite ou quoi que ce soit qui tourne la planète, puisque ça a une volonté propre et ça tourne de façon irrégulière selon les moments. Et on pourrait citer des exemples comme ça, mais à tire-larigot, parce qu'il y en a de tous les côtés. Il y a la guerre de Los Angeles, je pense, où je crois que c'était pendant la guerre de 1944, il y a un vaisseau, une lumière qui est apparue. Et les Américains ont paniqué en pensant que c'était Hitler qui attaquait, donc ils ont balancé des tonnes de bombes sur l'objet lui-même, qui a tout pris sans bouger, et qui a fini par repartir. Alors il y a des gens, ah oui, mais c'était une illusion, ah ben oui, mais c'était un ballon météorologique, un ballon météorologique qui se prend des tonnes de bombes sans tomber, c'est la nouvelle génération des ballons météorologiques, hein. Franchement, et on a une telle suite d'événements comme ça de partout. Je veux dire, c'est un petit peu comme si, lorsque j'ai parlé des NDE, Near Death Experience, quand on sait qu'il y a 280 millions de personnes dans le monde qui ont vécu ça. Et vous avez encore des clowns et des charlots, des masturbateurs intellectuels qui veulent vous dire que, oui, bah, peut-être que les NDE, c'est... C'est une illusion, ça n'existe pas. Alors j'ai un monsieur que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, lui, il m'a présenté un truc béton. Il faut le dire quand même, parce que quand on entend des choses comme ça, on est cloué, on est franchement cloué. Et donc il m'a expliqué qui est un auteur, il y a un certain temps, qui a raconté l'histoire d'une pendaison. Donc c'est un monsieur qui se fait pendre aux États-Unis, et finalement, quand il se fait pendre, la corde se rompt, il tombe dans une rivière, il finit par nager, on lui tire dessus, parce qu'évidemment, il n'a pas le droit de s'enfuir, et il ne se prend pas de balle, donc il réussit à se cacher dans la forêt, il fait plein de manœuvres pour réussir à rejoindre sa maison, et c'est une aventure plus ou moins longue, et puis à la fin, il arrive auprès de sa femme, il veut embrasser sa femme, et à ce moment-là, il est aspiré, parce qu'il meurt. Alors quand le type me dit l'histoire, je dis « Attends, je ne comprends pas bien. » Il dit « Ben en fait, la corde ne s'est jamais rompue. C'est toute l'histoire qu'il a inventée entre la pendaison et le moment où il est mort. » Donc tu vois, ça c'est une preuve. Les NDE n'existent pas. Et quand on en arrive à ça, ça c'est vraiment de la masturbation intellectuelle, je dis « Ben alors moi j'ai la preuve aussi que les pieuvres sont géantes parce que j'ai vu ça dans 20 milieux sous les mers. Ça attaque même les sous-marins, c'est bien connu. » Quand on en arrive à prendre un roman qui se prétend même pas être un fait historique, hein, je veux dire, c'est un mec qui invente une histoire, et pourquoi pas, c'est une histoire originale, c'est une façon de présenter les choses. Et de présenter ça comme une preuve pour contrer 280 millions de témoignages de gens qui ont vécu des NDE, bon là, il faut arrêter la sucette quand même, enfin, il faut faire quelque chose, c'est hallucinant. Au niveau des extraterrestres, c'est la même chose. Sans mentionner encore, ou en mentionnant, parce qu'on dit toujours sans mentionner en les mentionnant, les pyramides, par exemple, qui sont une impossibilité scientifique, puisqu'il faut savoir, comme j'ai déjà expliqué, qu'un égyptologue n'est pas en droit de dire le contraire de ce qui est dit dans la science, parce que sinon il aura tous ses fonds financiers coupés. Il faut que vous compreniez que tout ce que vous appelez science avec une liberté totale, c'est absolument pas de la science, dans le sens où oui, on va inventer des choses, mais c'est avec un protocole de contrôle de pouvoir complet, de manipulation financière. Je vais vous donner un exemple simple, par exemple le prix Nobel. Le prix Nobel, ça paraît tellement cool, hein. Eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Il y a des prix Nobel de tout, sauf de mathématiques. Pourquoi ? Parce que Monsieur Nobel, qui a inventé ce système et qui a financé ce système, il s'est retrouvé cocufié par un prof de maths. Et voilà, donc après, il a créé les prix Nobel pour tout le monde, sauf pour les mathématiques. Et ça ne veut pas dire que les mathématiciens sont plus bêtes, hein. Ça veut dire simplement que Monsieur Nobel, il avait une dent contre les mathématiciens pour une histoire tout à fait privée. Donc vous pouvez être le génie que vous pouvez être en mathématiques, vous n'aurez jamais de prix Nobel. C'est la même chose pour les pyramides. Quoi que ce soit que vous ayez pu découvrir, si vous dites une seule parole qui va contre l'autorité d'égyptologie, vous n'êtes plus égyptologue. Hein ? Faut vous renseigner pour ouvrir un centre commercial ou une pizzeria. C'est terminé pour vous. Donc, par exemple, pour les pilotes, vous devez savoir autre chose, un pilote a parfaitement le droit de témoigner qu'il a vu un OVNI, objet volant non identifié. Mais il y a une chose que vous ne savez pas, c'est qu'un pilote doit avoir une très bonne vue. Donc s'il déclare qu'il a vu un objet volant qu'il n'a pas pu identifier, il met très sérieusement en danger son diplôme de pilotage, puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a pas pu identifier quelque chose. Donc, il a une mauvaise vue, donc il peut perdre très sérieusement son droit de voler, de travailler. Ça ne stimule pas à faire des témoignages. Donc, vous avez comme ça une liste de choses extrêmement longues de partout qui sous-entendent que vous avez le droit d'exprimer, de parler, mais c'est absolument faux. Encore une fois, il y a très peu de temps, j'ai vu un reportage sur une NDE et une fille qui faisait un témoignage vraiment très très très beau, très touchant, avec une journaliste assez honnête qui posait des questions honnêtes. Et à un moment, elle a dit, et vos amis, comment ils ont réagi, vos amis? C'est une jeune fille de 25 ans à peu près. Elle dit, ah, ben, j'ai plus d'amis, c'est terminé. Depuis que j'ai eu ma NDE et que j'en ai parlé, J'ai plus d'amis. Tous mes amis ils me disent, t'es barge, tu racontes n'importe quoi, tu inventes, t'es délirante, va voir un docteur. Donc j'ai plus d'amis. Donc pour pouvoir témoigner d'une NDE honnêtement, ben vous devez savoir, il y a un prix à payer. Ce sera la solitude. À part quelques amis proches ou les membres de votre famille, les autres, ils diront, t'es un barge ou une barge. Alors par rapport aux extraterrestres, c'est encore pire. Puisqu'en plus, c'est un droit de protection, de défense du pays. Alors là, il faut aller plus maintenant dans l'histoire des extraterrestres, parce qu'on ne va pas perdre de temps davantage pour dire, ah, est-ce qu'ils existent, oui ou non? Est-ce qu'ils sont sur la planète, oui ou non? Il y a même des leaders de gouvernement de différents pays qui ont reconnu avoir dealé avec différentes races directement sur notre planète. Nous avons la connaissance absolue en 1954 de la rencontre, de la négociation d'une autre race d'extraterrestres sur la planète Terre, où ces extraterrestres nous invitaient à quitter les armes atomiques pour rentrer dans l'âge de sagesse qu'ils se proposaient d'enseigner. Et évidemment, les humains qui développaient, principalement les Américains et les Russes, les bombes atomiques à ce moment-là, ont absolument refusé. Par la suite sont arrivés les Krell, ce qu'on appelle les petits gris, qui ont proposé un contrat en disant non, non, mais vous pouvez tout à fait garder vos bombes, on va même vous aider à en fabriquer des plus puissantes. On sait parfaitement, c'était aussi en 1954, la masse de vaisseaux qui est arrivée, puisque quand ils sont arrivés, on croyait même à une pluie de météorites qui arrivait sur la planète Terre, et la pluie de météorites s'est stabilisée au-dessus de l'équateur. C'était en 1954. Et ensuite ont été fabriqués des centres à la demande des Krell en échange d'aides technologiques, et ainsi de suite. Donc c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est une affaire classée. On ne va pas reparler de ces choses-là des milliers de fois pour savoir si oui ou non c'est vrai ou pas vrai. Personnellement, j'ai eu la possibilité, en faisant des recherches, de me retrouver à découvrir un objet que nous devions éliminer, on va dire, que nous avons refusé d'éliminer toute une équipe, et qui nous a donné accès à de très très grandes connaissances sur la position des extraterrestres, sur la position des crop circles, les cercles de céréales, on dit en français, et on a pu faire face à une connaissance infinie sur plein de choses. Et on a découvert une chose à travers cette découverte qu'on a faite, que nous avons toujours cachée quelque part, c'est que il y a deux types, on va dire, d'extraterrestres. Il y a des extraterrestres qui sont avancés, très avancés, mais pas si avancés que cela. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont eu des accidents, comme ça a été le cas par exemple à Roswell en 1947, mais ça n'a pas été le seul, il y en a eu d'autres. Ces vaisseaux ont pu être utilisés pour faire de la rétro-engineering, c'est-à-dire de l'ingénierie inversée, je ne sais pas comment on dit en français, qui permet de prendre quelque chose et de le démonter jusqu'à comprendre entièrement comment ça a été monté, comment ça marche, comment ça fonctionne. Retroengineering. Et les humains ont pu fabriquer des choses. Moi-même, pour essayer de m'acheter dans cette mission très particulière où on devait découvrir un objet extraterrestre qu'on devait détruire et qu'on a refusé de détruire, j'ai même été invité à un voyage sur Mars où j'ai pu découvrir de très grosses installations humaines qui existent sur Mars, des villes presque souterraines qui existent et n'existent pas que ça sur Mars. Et j'ai fait l'aller-retour dans la même journée. Il y a des choses qui existent, qui dépassent de très loin la situation présentée aujourd'hui. Quand vous regardez, par exemple, dans la situation présente, l'Amérique qui menace de plus en plus la Russie, on peut se poser la question, on peut se dire, bon, peut-être que l'Amérique et Trump, ils sont si stupides qu'ils vont se lancer dans une guerre qui est fort probable dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année et qui risque d'amener à l'apocalypse totale de notre planète. En même temps, même s'ils sont fascistes, même s'ils sont américains et stupides, est-ce qu'ils vont aller sur le point de lancer une bataille en sachant que les Russes sont tout aussi puissants qu'eux? À moins qu'ils aient des jokers spéciaux, comme par exemple des armes extraterrestres que les Américains ont développées grâce à la retro engineering. Malheureusement, les Russes ont fait la même chose. Donc maintenant, personne ne sait précisément quel est le niveau de chaque groupe. Mais si chaque groupe est sur le point d'entrer en guerre, c'est bien parce que chaque groupe est absolument persuadé qu'avec ce qu'ils ont, ils peuvent surprendre leur ennemi. À mon avis, ce qu'ils vont surtout surprendre, c'est l'évolution de l'humanité qui risque de s'éteindre. Donc, il y a des extraterrestres qui ont eu des accidents. Il y a des extraterrestres qui ont négocié avec les humains, mais ça reste des extraterrestres qui ont un niveau de technologie que les humains, après 10 ou 20 ans ou 30 ans de retro engineering, commencent à comprendre et à utiliser pour améliorer notre propre production. Donc c'est de la technologie très très avancée, certes, mais pas si avancée que ça. Ah oui, j'ai vu aussi, il y a un petit moment, Independence Day. Donc le premier est très ancien, mais ils ont fait un nouveau. Et dans le nouveau, ben, on revoit un peu la même image, même si c'est un simple film de science-fiction, où les humains ont développé plein de trucs grâce à la technologie qu'ils ont récupérée dans leur première guerre de Independence Day, qui ne pouvait être évidemment que le 4 juillet, qui est le jour de l'indépendance des Américains. Donc là, on parle d'une catégorie d'extraterrestres qui sont très avancés, mais pas si avancés que cela par rapport à notre avancée. Donc, est-ce que c'est 50 ans d'avance, 300 ans, 200 ans d'avance? Je ne suis pas dans le secret de ces détails-là. Mais ça reste une avancée suffisamment proche pour être accessible au niveau des humains. Après 20 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans de retro engineering. Ces extraterrestres sont dans un protocole d'envahissement, de possession, de manipulation, de pouvoir. Ils ont besoin d'énergie. Donc il y a plein de thèmes de négociation et autres. Puis il y a une deuxième catégorie d'extraterrestres. Cette deuxième catégorie d'extraterrestres, elle est tellement avancée que les humains ne peuvent en aucune façon utiliser ce niveau-là. Ça leur est totalement inaccessible. Et ce niveau de technologie est tellement élevé qu'il en devient hautement spirituel et qu'on ne peut plus séparer un certain groupe, un certain niveau d'extraterrestres et ce qu'on appelle les guides, les anges, et ainsi de suite. Pour beaucoup, vous aurez besoin de savoir si c'est un guide, un ange ou un extraterrestre, comme si la provenance prouvait tout. T'es quoi, toi? T'es français ou t'es anglais? J'aimerais bien savoir. Parce que ça change tout. Ben non, je parle les deux langues, ça change rien du tout. J'ai les deux éducations, ça change rien du tout. Et en fait, il faudrait définir ce groupe d'extraterrestres et autres avec un niveau spirituel. Le niveau spirituel pouvant être lié à un champ d'existence énergétique ou un champ d'existence biologique à travers d'autres planètes. On s'en fiche. Ça change rien du tout. Ce qui est certain, c'est que ces gens, pour voyager, sont obligés de dépasser une vitesse où il y a un phénomène où on va dire pour la vitesse contracte le temps. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails par rapport à ça, mais si vous voyagez proche de la vitesse de la lumière, eh bien vous aurez voyagé 10 ans alors qu'il sera passé 100 ans à l'extérieur. Si vous voyagez vraiment pratiquement à la vitesse de la lumière, il sera passé peut-être 1000 ans ou 10 000 ans, alors qu'il sera passé que 10 ans pour vous à l'intérieur. Et si vous avancez à la vitesse de la lumière et au-delà de cette vitesse, le temps s'arrête. Donc il s'est passé pour vous 1 seconde, mais il s'est passé peut-être 1 million d'années pour l'extérieur. Ou même 0 seconde. Et après, il y a une vitesse particulière, avec une technologie particulière, qui permet de se déplacer d'un point zéro, d'un point A à un point B, sans influencer le temps extérieur. Donc, on comprime le temps par la distance par le temps, mais on contrôle le temps, ce que le temps n'influence pas à l'extérieur du voyage. Donc, c'est de la téléportation à n'importe quelle distance. Mais cette forme de téléportation, c'est une forme de mort. Pour ça, on est obligé de passer dans le même secteur vibratoire que là où vous allez lorsque vous mourrez. Voyager dans l'espace à une certaine vitesse, ou les NDE, c'est exactement la même chose. Et quand on regarde ce qui se passe pour un être humain au niveau des NDE, on va comprendre que c'est un choc. Et que si il y a des NDE qu'on appelle des NDE monstrueuses, diaboliques, il y a un terme comme ça. Et qui fait que quand votre vie a été chaotique, quand vous vivez une NDE, c'est pas du tout que de la lumière. Alors loin de là. Ça devient ultra-violent, monstrueux, diabolique, c'est vraiment l'enfer, quoi. Comme on peut se le représenter. Si vous imaginez des extraterrestres qui voyagent et qui à chaque fois régulièrement se payent un petit coup d'enfer, ils n'ont pas envie de voyager. Donc pour être capable de voyager dans la lumière, à la vitesse de la lumière, enfin au-delà de la vitesse de la lumière, dans la lumière éthérique, dans la source de bonté, il faut être en accord avec cette source de bonté dont j'ai parlé précédemment. La technologie rejoint la spiritualité. Ces extraterrestres-là sont bien au-dessus de la technologie qu'on pourrait utiliser. Et ils sont bien au-dessus des systèmes de pouvoir, de prise de pouvoir, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de choses qui vont exister dans notre monde qu'on va classer comme quelque chose de magique, alors qu'en fait, c'est très très lié aux extraterrestres. Alors par exemple, on peut revenir au maître Peter Donov, qui avait fait une prédiction en disant que, à peu près dans les périodes présentes, en 2012, nous rentrerions dans une vibration particulière où le taux vibratoire de l'humanité, de la planète, changerait de plus en plus, et que les humains deviendraient soit ils mourraient, soit ils s'illumineraient. D'ailleurs, le maître Amram racontait toujours un truc qui m'amusait parce qu'il disait l'apocalypse, la transformation de la lumière, se passera en 1998, 95, peut-être j'ai oublié, avec une date précise. Et moi, j'ai connu bien des gens, bon enfin, qui attendaient cette date. C'est le jour où ça allait arriver. Puis le jour où ça devait arriver, ben, il n'y a rien qui soit arrivé. Et quand on calcule que Maître Omram est né en 1900, quand il disait que l'illumination de la planète arriverait en 1995, 1998, il ne prend pas beaucoup de risques, hein, parce que ce n'est pas sûr qu'il arrive jusqu'à cet âge-là. Hein. Donc, une prédiction comme ça, c'est assez facile, et évidemment, c'est tombé à l'eau. Et lorsque le maître Omram parlait de ça, il faisait référence à une prédiction du maître Peter Dinov qui disait que les gens qui ne seraient pas prêts tomberaient par terre comme des mouches. Et cela fait allusion à ce qu'on appelle la dernière prédiction du maître Peter Dinov qui dit qu'il y aurait une transformation vibratoire complète de notre champ d'existence. Or, cette transformation, eh bien, elle est vraiment en train d'arriver. Et avec ce qu'on appelle les résonances de Schumann, qui est le système qu'on utilise pour analyser tout ça. Nous sommes restés à 7,83 Hz pendant virtuellement toute notre existence. Puis les Hertz ont commencé, le rythme vibratoire a commencé. Les Hertz, ça veut dire une vibration par seconde, 2 Hz et 2 vibrations par seconde, ainsi de suite. Et là, on a commencé à augmenter les vibrations. On est arrivé à atteindre plus de 100 Hz et ça continue à monter. Donc il y a un moment où cette augmentation de Hertz par rapport à la mesure des vibrations de Schumann va amener des êtres humains qui ne veulent pas s'adapter, qui ne veulent pas se préparer à tomber comme des mouches parce qu'ils ne sont plus adaptés entre leur taux vibratoire et le taux vibratoire de la planète Terre. Et on peut dire, oh, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est... Oui, bien sûr, ça l'est. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vu, avant que ces choses-là arrivent, deux planètes, ou deux vaisseaux gigantesques, qui avaient grosso modo la taille de la planète Terre, qui sont arrivés, pas en même temps, à des périodes différentes, quelques années de différence, un ou deux ans de différence, qui sont arrivés près du Soleil, suffisamment près pour être totalement brûlés, mais n'ont pas été brûlés. Et là, on a vu une immense ligne de plasma qui s'est développée du Soleil à la planète, ou au vaisseau, comme vous voulez. Donc on s'est dit, ben, ils font le plein d'essence. Voilà. Sauf que, oui, peut-être qu'ils ont fait ça, hein, ou autre possibilité, ils ont injecté quelque chose dans le Soleil. Et depuis, le Soleil dégage des vibrations légèrement différentes, et cette électricité solaire qui nous arrive rentre dans notre ionosphère, et en passant par la ionosphère, ça provoque des éclairs, ces éclairs font vibrer la planète, ces vibrations, ce sont les résonances de Schumann, comme une cloche qu'on fait résonner. Donc en fait, il y a quelqu'un avec une capacité technologique extraordinaire qui est venu accomplir ça. Donc on voit que le maître Peter Donov est très lié à une connaissance extraterrestre. On peut dire que c'est de la simple prédiction, mais ça peut aller beaucoup plus avant que cette simple prédiction. Une autre chose à comprendre qui est très très importante, c'est la panurythmie. Donc la panurythmie, c'est une danse magique que le maître Peter Donov a inventée. Or, on peut découvrir quelque chose d'autre. C'est que la panurythmie, pan, c'est lié au mot pain. C'est lié au dieu pan qui vivait dans la nature et qui apporte la sagesse auprès de tous. Et cette sagesse, elle est symbolisée par le blé et par le pain. Le pain qui est fait avec le blé. E, c'est le cosmos, c'est rythmique, donc c'est le rythme entre la connaissance de la paix et la connaissance cosmique, pas une rythmie. Et c'est une danse qui se fait avec des gens, et quand vous filmez cette panorythmie de loin, et ben vous voyez exactement à 1000% un crop circle. Et à travers la panorythmie, vous comprenez que chaque mouvement de danse exprime une idée, une émotion, une évolution spirituelle, une pureté, une consécration. Chaque mouvement forme un taux vibratoire, une empreinte énergétique différente dont les gens bénéficient. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, on regarde les crop circles et d'un seul coup, ils deviennent très clairs. Si je peux lire vibratoirement un être humain, si je peux lire vibratoirement la panurythmie, je peux lire vibratoirement les crop circles et même les utiliser pour me transformer au regard de ce qui est imprimé dans un crop circle ou dans un autre. Donc, la panurythmie et les crop circles sont faits sur la même connaissance. Et les crop circles sont faits, dans la plupart du temps, dans des champs de blé. C'est quand même très fort. Quand on met tout ensemble, c'est quand même très embarrassant, très troublant. Le maître Peter Donov parlait toujours des augustes frères célestes. Alors, les augustes frères célestes, évidemment, quand on veut les traduire d'une façon très simple, nous parlons simplement des anges. Peut-être, nous devrions parler de toute entité supérieure qui vit dans un taux vibratoire extrêmement élevé avec une conscience extrêmement différente, comme les anges ou les extraterrestres. Et quand on reprend le terme « auguste frère céleste », les augustes frères célestes, c'est quand même embêtant. Quand on prend dans la Bible « Elohim », que l'on transforme par « Dieu », d'abord c'est faux, c'est un pluriel, hein, c'est « Eloah, Elohim », « Eloah » c'est le singulier, « Elohim » le pluriel, et ça veut dire « celui ou ceux qui viennent du ciel, les célestes ». Et là, on commence à être quand même pas mal entouré. Et on doit comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été classées comme tout à fait mystiques, comme les résonances de Schumann aujourd'hui, ou les apparitions de la Sainte Vierge, ou tout ce qu'on pourra prendre, qui ont pu être provoquées par un taux vibratoire, une technologie très avancée, qui n'a rien à voir avec le miracle divin tel qu'on veut bien l'imaginer, mais avec une civilisation tout à fait en harmonie avec ce champ vibratoire, qui va utiliser aussi tout ce qui puisse être utilisé au niveau technologique pour manifester une chose ou une autre. Alors, on peut regarder quelque chose d'autre, c'est les révélations de Fatima, qui se passent en 1917. Et il y a plusieurs révélations, mais la troisième révélation, elle est absolument secrète, et personne ne doit la connaître. On va s'amuser un petit peu avec les révélations de Fatima. Quand on a, comme moi, accès à plein de connaissances, que cela soit spirituel, extraterrestre, ainsi de suite, on peut mettre les choses entièrement bout à bout. Et d'abord, il faut comprendre que dans les révélations de Fatima, il est dit qu'à un moment, il y aurait une fantastique lumière dans le ciel, et il est dit qu'il y avait eu tellement de lumière dans le ciel dans la nuit. Je pense que c'était les Suisses qui pouvaient lire leur journal dehors en pleine nuit. Donc on peut y voir une manifestation tout à fait divine, Dieu le Père qui s'amuse, ainsi de suite. Mais Dieu le Père, il est dans mon cerveau, il est dans votre cerveau, il est aussi dans le cerveau des extraterrestres, de tout être qui est capable d'incarner, de manifester par des réactions et des jeux différents, des manifestations différentes. Or, par rapport à la révélation de Fatima, la troisième révélation, il y a plein de choses qui sont bien intéressantes à comprendre. C'est que la troisième révélation de Fatima, elle a été terriblement embarrassante. Terriblement embarrassante. D'ailleurs, elle ne devait être révélée qu'en 1960. Or, quand en 1960, elle doit être révélée, Elle ne le saura pas. Elle restera cachée. Et la sœur Lucie, qui est donc la religieuse qui a survécu et qui est une des enfants qui était à Fatima, qui a vu, qui a reçu tous ces messages, ainsi de suite, eh bien, elle aussi, elle va changer d'avis. Et elle va aussi dire que la révélation, c'est pas pour les humains. C'est uniquement pour le pape. Or, c'est absolument pas ce qui a été présenté précédemment. La sœur Lucie, qui veut dire lumière quand même en plus, elle va écrire environ 25 lignes sur une feuille pour révéler cette chose. Elle va avoir énormément de mal pour l'écrire, parce qu'elle va sentir extrêmement mal par rapport à ça, alors qu'elle est religieuse. Finalement, elle va avoir une nouvelle vision, elle va finir par écrire ça, elle va donner ça à un responsable, et plusieurs personnes n'ont pas lu, mais peuvent décrire le papier, c'est 25 lignes, sur une page A4, ainsi de suite. Or, plus tard, quand on va parler de la révélation, puisqu'on va finir par la révéler, cette révélation, hein, on va révéler et on va dire, c'est pas du tout un texte, c'est une image. C'est bizarre parce que c'était un texte écrit. Et beaucoup plus grave, c'est que la sœur Lucie, à partir d'environ 1958, elle va devenir totalement inaccessible. Totalement inaccessible. On ne peut plus la voir, on ne peut plus la rencontrer, sa famille ne peut plus la voir. Et elle ne va apparaître en public qu'une ou deux fois dans sa vie entière. Elle est toujours reclue, cachée. Et elle va être tout à fait d'accord avec les décisions du pape. Or, quand on fait des recherches, on va s'apercevoir que la façon d'écrire de Lucie, la façon de communiquer de Lucie, ainsi, tout va changer radicalement en 1958-59. En d'autres termes, Lucie a été tuée avant la révélation. Sinon, Lucie, qui croit totalement en 1960, puisque c'était une révélation apportée au monde entier, ça aurait été la première à révéler ça à tout le monde, en passant par quelques médias que ce soit. Or là, cette Lucie qu'on ne voit plus, qui se terre, qui a totalement changé de vision, de look, qui a totalement changé de dentition, c'est comme ça, à faire beaucoup quand même, qui a largement rajeuni. Bon, moi je veux bien que Dieu soit puissant, mais il y a des limites quand même. Elle va dire, non, non, mais ça n'a jamais été fait pour les humains, ça a toujours été fait pour le pape. Alors vous devez comprendre que ces révélations, ces apparitions de Fatima, évidemment pour les religions, pour les religieux simples, c'est la Sainte Vierge, c'est la lumière qui apparaît dans le ciel, les gens voient les lumières qui dansent dans le ciel, mais essayons de nous ouvrir, qu'est-ce que c'est des lumières qui dansent dans le ciel, si on s'intéresse un peu à l'ufologie, à l'ouverture par rapport aux extraterrestres. Et ces révélations, et c'est bien pour ça que c'était si douloureux, puisqu'il y a quelques personnes qui ont eu officiellement accès à ça, et ils ne veulent pas en parler. C'est un truc terrible, ils ne veulent pas en parler. Et en fait, c'est parce que cette révélation, elle dit, vous allez de plus en plus dans le chaos, la religion va de plus en plus dans le chaos, et il y a des êtres particuliers qui sont tournés vers la lumière et qui n'ont plus rien à voir avec la religion. Ils sont simplement les enfants de Dieu, dans le sens disciples du Christ, de cette énergie de christique d'être oint par la pureté, la vérité de ses actes et de son élévation. Mais le système de pouvoir, de hiérarchie, de Vatican, tout doit disparaître. Il y a un homme qui existe en Bulgarie, qui est profondément lié à toutes nos connaissances, et qui apporte la lumière sans appartenir à un groupe religieux quel qu'il soit. Il est l'exemple même des guerriers de lumière qui viennent sur terre pour établir cette paix. Et celui-ci particulier reviendra en 1960. Et vous devez l'aider à devenir puissant sur la terre pour que la justice s'installe. Mais évidemment, le Vatican va totalement cacher cette chose-là, parce que vous comprenez que c'est quelque chose qui va complètement contre eux. Ils auraient pu devenir la nouvelle religion. La nouvelle religion qui est une religion, sans église, sans... Mais ça a été totalement refusé. Parce qu'ils protègent leur beefsteak, surtout qu'ils ne sont pas végétariens, donc ils protègent tout. Nous ne voulons pas de vérité, nous ne voulons pas d'engagement. Or, il est intéressant de savoir que je suis né en 1960. Et qu'en 1917, le maître Peter Donov est complètement dans les actions d'avoir une large école, d'être très connu, d'avoir une fantastique renommée, sans appartenir à une église, quelle qu'elle soit. Refus total d'appartenir dans une église, crime absolu. Je suis avec Jésus-Christ, mais je ne suis pas avec l'église, quelle horreur. Alors je ne dis pas que je suis le seul. Ce que je dis, c'est que la révélation de Fatima parle d'un ensemble d'êtres tournés vers la lumière, des chevaliers de lumière qui agissent dans le passé et qui reviennent vers la même période, en 1960. Et c'est pourquoi la révélation ne devait pas être apportée avant 1960, où il était invité dans cette révélation de protéger les gens qui viennent pour apporter les véritables valeurs divines de justice, de vérité, d'amour, de bonté sur la planète Terre. Et dans cette catégorie-là, en étant le maître Peter Donov, eh bien, je corresponds parfaitement à cette connaissance, à la panorythmie, aux crop circles, à cette manifestation de pureté et de vérité, à ces, on va dire, miracles qui ont accompagné ma vie. Et en plus, lorsque j'ai découvert que le maître Omram était très décevant dans mon évolution, je me suis consacré pendant assez longtemps sur les crop circles, sur les extraterrestres, et je me suis retrouvé, par rejet de ce que je vivais avec le maître Omram, à découvrir énormément de choses sur les extraterrestres, beaucoup plus que ce que je ne peux présenter maintenant. Dans mes zones d'ignorance, j'en ai pas beaucoup, mais dans mes zones d'ignorance, c'est plus les extraterrestres plus limités qui dealent avec les gouvernements Là, je ne connais pas tous les détails. Je connais plus de choses que les autres, mais je ne connais pas tous les détails. Puisque, à partir du moment où c'est des civilisations plus basses et plus simples, eh ben, je suis obligé de passer un peu comme tous les autres sur les enquêtes scientifiques, sur les statistiques, sur. Tandis que les extraterrestres plus élevés, ils font partie de mon monde, comme les guides, comme les anges. Donc je peux avoir accès à énormément de choses, sans parler de cette langue dont j'ai déjà parlé, le Fao, qui est une langue magique qui nous oblige, qui nous invite à penser dans la pensée du nouvel âge, pas le New Age, le nouvel âge solaire, le nouvel âge d'évolution de l'humanité. Aujourd'hui, nous arrivons à un moment dans notre humanité où, par des manipulations politiques extraterrestres et humaines, où tout ça marche bon train, nous arrivons fort probablement à la fin de notre humanité. Moi, je pense que cette année, en 2018, la fin de l'année, ça va être très très chaud. Il se peut qu'il y ait des manifestations déjà extrêmement violentes. Et si ce n'est pas en 2018, après, je n'ai pas les détails des pics, mais à mon avis, ça va devenir très, très, très, très dangereux dans les prochaines années. Je ne suis pas en train de parler de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce qu'on a tout fait, on a tout fait pour que ça arrive. Dans le monde, nous avons aujourd'hui plus de 10 000 crop circles. Les crop circles sont les manifestations d'abord. Les gens qui disent, ah, on n'a pas la preuve si c'est un vrai ou un faux crop circle, c'est déjà une escroquerie. Il faut savoir qu'on peut copier un crop circle en le faisant à la main. Mais on peut le copier si on le prend en photo de loin. Si c'est vrai que moi j'ai vu des photos de crop circles, je serais incapable, des photos d'avion, vous voyez, je serais incapable de vous dire si c'est un vrai ou un faux. Par contre, quand vous rentrez dans un crop circle, vous n'avez aucune analyse à faire. En moins de 1 seconde, vous savez si c'est un vrai ou un faux crop circle. Et il y a des gens qui ont travaillé avec moi et qui ont vu une cinquantaine de crop circles. Et je me souviens une fois où j'étais avec une amie, elle marchait 5 mètres devant moi. J'étais en train de discuter avec d'autres personnes. On se dirigeait vers un crop circle qu'on nous avait indiqué en Allemagne. Et le temps que j'arrive au crop circle, j'ai pas eu le temps d'arriver. En fait, mon amie, elle était déjà rentrée et ressortie. Elle me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce qu'elle avait déjà vu une cinquantaine de crop circles. Donc, le temps que je marche environ, disons, 4 mètres pour la rejoindre, elle est déjà dehors 1 mètre. On se rejoint 1 mètre avant de rentrer pour moi dans le crop circle. Ça n'a pas pris longtemps pour dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc les gens qui vous disent, ah oui, mais ça peut être fait à la main, ça peut. Oui, absolument, c'est vrai. Mais, et c'est fait sciemment pour que vous n'y pensiez jamais, on peut imiter à la main des crop circles qui ont l'air de crop circles de loin. Mais c'est loin d'être des vrais crop circles, parce qu'une fois que vous êtes dedans, en 2 secondes, en 1 seconde, vous dites, c'est absolument pas un crop circle. Mais de loin, si, on peut faire un dessin tout à fait raisonnable. Donc, quand partout vous avez des articles, des gens qui disent, ah oui, mais est-ce que c'est vrai? Non, on parle de 10 000 crop circles, de vrais crop circles, parce que n'importe quel débile au-dessus de 40 au niveau du coefficient intellectuel est capable de reconnaître en 1 ou 2 secondes un vrai ou un faux crop circle. Donc, encore une fois, c'est un débat qui n'existe pas. Encore une fois, une manipulation. 10 000 crop circles au-dessus du monde, partout dans le monde. Les mathématiques de certains experts les plus avancés en maths, qui n'auront jamais le prix Nobel, comme je l'ai expliqué précédemment, ont découvert, ont amélioré leurs maths grâce à des choses qu'ils ont découvertes à l'intérieur des crop circles. Donc, on a des éléments qui sont absolument impossible. Parce que les mecs qui font des crop circles, en plus, ce sont des génies en maths de la génération au-dessus des plus grands experts de mathématiques de notre monde. Il y a des éléments scientifiques qui ont été donnés. Avec du silicium, par exemple, dans la structure de l'être humain, qu'on n'est pas censé avoir, et depuis lors, on a découvert qu'effectivement, on en a un peu. Donc ça veut dire qu'il y a des crop circles qui ont donné des informations techniques avant que notre science la plus moderne puisse découvrir quoi que ce soit. Il y a aussi ce crop circle, vous savez, avec un disque d'ordinateur qui était dessiné et qui donnait un message. Beaucoup de promesses, mais des faux espoirs, beaucoup de souffrances, etc., etc. Et alors, il y a des gens qui disent, mais alors c'est complètement stupide parce que pourquoi est-ce que des extraterrestres, s'ils sont vraiment au courant de ce qu'on fait, ils vont envoyer un message en code binaire alors qu'on n'utilise plus ce code de cette façon-là depuis déjà 15 ans. Et là encore, c'est une malhonnêteté totale, puisque le message qui a été envoyé pour poser des questions était en code binaire. C'est un message qui était envoyé par... j'ai oublié son nom, c'est pas grave, ça me reviendra. Ça a été envoyé en code binaire. Donc la réponse, c'est vraiment la réponse à ce message qui est répondu en code binaire. Et au lieu de se dire, et en plus, c'est quand même extraordinaire, la réponse est en code binaire, on va dire, ah ben, comme c'est en code binaire, on a bien la preuve que c'est une stupidité. C'est une cumulation de stupidité, d'arrogance, de manipulation perpétuelle qui vont si loin, qu'à un moment, il faut se calmer, simplement. Moi, j'étais en contact avec l'équipe de télévision de TF1 qui a présenté la dissection des corps de Roswell. Et or, donc, il y avait toute l'équipe qui a fait ce truc-là. Et au niveau de la télévision, ça a été un succès total. C'est-à-dire que l'Audimat a explosé. Plus qu'un match de foot, plus que... Donc, que ça soit vrai ou pas, la télévision, elle s'en fiche. Hein. Ce qui importe, c'est l'Audimat, c'est les pubs, et ainsi de suite. C'est l'argent qui a été investi pour pouvoir faire ça et l'argent qu'on va tirer grâce aux publicités. Or, sur ce point de vue-là, c'est un succès total. Pourtant, l'entière équipe va être jetée à la rue le lendemain matin, on n'entendra plus jamais parler d'eux. Et au niveau télévision, moi, il va falloir m'expliquer pourquoi. Parce que si la télévision met à la porte à chaque fois qu'il publie quelque chose de faux, il n'y a plus personne à la télévision. De surcroît, on n'a jamais pu prouver que ce film était une escroquerie. On a pu prouver que le type qui avait fait ce film, enfin qui avait ce film, a fait beaucoup d'argent. Bah oui. Mais le fait qu'il se soit fait beaucoup d'argent avec ça ne prouve pas que c'est une escroquerie. Ça prouve simplement que le mec voulait se faire de l'argent avec quelque chose qu'il avait. Un film qui est fait en 1948, je crois, on a pu dater le film d'une façon scientifique. Par contre, on sait que les trucages qui sont utilisés dans ce film, il y a 15 ans à peu près, ou 20 ans, quand ça a été fait, on n'était pas capable de les produire. Par contre, c'est produit sur un film de 1948. Explication, s'il vous plaît. Et des suites comme ça par rapport aux extraterrestres, mais c'est une colonie, c'est une montagne de preuves. Donc c'est bien pour ça que je dis, ce qui m'importe, c'est pas de dire « Oh, hier on a vu une lumière là, oh hier on a vu une lumière là ». Non, ce qui m'importe, c'est moi d'évoluer suffisamment, tout comme vous, pour être capable d'être des interlocuteurs intéressants pour ces forces qui s'intéressent à nous puisqu'ils envoient crop circles, ils sont là, ils se manifestent, ils nous guident, ils nous ont invités à déposer toutes les bombes en 1954. C'est un fait historique, c'est un fait scientifique. On va arrêter de nager dans la choucroute en parlant d'autres choses. Oh, peut-être pas, c'est peut-être une fausse information. Mais arrêtez, il faut aller directement au point. Et arrêtez de vivre dans les tabous, dans la peur et dans la manipulation. Allez dans la vérité. Comment se fait-il que la panurythmie du maître Peter Donov soit l'explication parfaite des crop circles qui sont faits dans le blé, pas en eurythmie. Le rythme du cosmos et du blé, en gros. Le rythme du pain, de la sagesse du pain et du cosmos. C'est exactement la description des crop cycles. Si vous ne me croyez pas, allez voir des films qui ont été faits sur la panurythmie dansée en Bulgarie dans les dernières années. Il y a des films faits par avion et autres, et vous voyez un crop cycle. C'est clair, c'est absolument la même chose. Du maître Pedendonov qui parlait toujours des augustes frères célestes, avec l'accélération du rythme vibratoire de la planète qui a été fait non pas d'une façon magique, mais par des extraterrestres, des vaisseaux gigantesques qui sont venus et qui ont injecté quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre à l'intérieur du Soleil. Donc on les a vus agir. On les a filmés. C'est filmé par la NASA qui a essayé de bloquer les films après parce qu'ils étaient très embarrassés par ces films. Évidemment, puisque les extraterrestres n'existent pas. Et je ne peux pas aller là où il y a un extraterrestre qui apparaît parce qu'il y a l'armée, il y a des mitraillettes, je ne suis pas Superman. Par contre, je peux être évolué spirituellement pour mériter ces contacts, mériter la compréhension. Pour moi, un crop circle, c'est très simple. Pour moi, un être humain, c'est très simple. Pour moi, un taux vibratoire, c'est très simple. Ça fait partie de mon dialogue naturel que je vis avec les guides et avec tout ce que j'ai pu apprendre. Le paradoxe de Fermi. Qu'est-ce que c'est que le paradoxe de Fermi ? Le paradoxe de Fermi va dire que puisque nous devrions être des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de civilisations, et encore bien plus, et qu'en même temps nous n'avons jamais eu aucun contact, comment se fait-il qu'ils soient si nombreux et en même temps il n'y a personne qui nous contacte? D'abord, il y a beaucoup d'entités qui nous ont contactés, mais c'est complètement caché, premièrement. Donc déjà, et il n'est pas adapté à la réalité statistique des faits. Et puis, deuxièmement, il y a beaucoup d'extraterrestres. Mais je veux dire, si vous regardez des gens qui se battent à coups de pierre, qui s'égorgent et qui arrachent la peau de leurs ennemis pour s'en faire un manteau, est-ce que vous avez franchement envie d'aller passer le week-end avec eux? Donc le paradoxe de Fermi est un paradoxe totalement arrogant, puisque ça ne prend pas en considération, un, les manipulations des gouvernements, et deux, notre niveau lamentable d'humanité, qui fait qu'il y a beaucoup d'extraterrestres. On peut essayer de leur balancer une petite bouteille à la mer sous forme de crop cycle pour les faire évoluer, mais franchement, les rencontrer, on a quelque chose de plus intéressant à faire pendant le week-end quand même. Et s'ils font des efforts, et s'ils se transforment, et s'ils ont envie de savoir, alors on pourra commencer à dialoguer avec eux. Mais là, tout de suite, avec leur niveau, on va éviter quand même. Et on doit comprendre cet ensemble-là. On doit totalement comprendre cet ensemble-là. Comprendre que s'approcher des extraterrestres, c'est s'approcher des NDE, ou s'approcher de l'état d'illumination, pour devenir un partenaire de communication valable et intéressant. Moi, je dis toujours, si je rencontre un extraterrestre et qu'il me dit « t'es de la planète », je dis « ah non, moi je suis perdu, tiens, tu peux me donner un lift, m'emmener jusqu'à la prochaine planète, là, parce que cette planète, ça va pas du tout. » Et quand on prend les choses comme ça, le paradoxe de Fermi, ça devient une plaisanterie d'arrogance monstrueuse. Monstrueuse. Nous sommes tellement parfaits. Si les extraterrestres existaient, ils nous parleraient. Puisqu'ils ne nous parlent pas, c'est qu'ils n'existent pas. Car nous sommes parfaits. Nous sommes des interlocuteurs de valeur. Mais arrêtez de manger de la viande. Arrêtez d'égorger les animaux. Arrêtez de massacrer les musulmans. Arrêtez de lancer des guerres de partout. Arrêtez d'être obsédé par l'argent, de voler, de manipuler, de trahir, de produire des produits qui donnent le cancer, qui polluent tout, de pourrir la vie des gens. Vous rigolez. Le paradoxe de Fermi. Je vais faire un très mauvais jeu de mots, mais ferme ta gueule, Fermi. Franchement, c'est... Et là, à travers ces choses-là, on voit encore une fois à quel point le champ de conscience restreint emmène les gens à une fermeture, mais paradoxale, caricaturale, c'est une plaisanterie. C'est vraiment une plaisanterie totale. Pouvoir se poser des questions sur le paradoxe de Fermi, pouvoir se poser des questions sur Roswell, sur les pyramides, sur les Olmecs, sur Teotihuacan, Pamekulpu, non, comment s'appelle? Pamekulpu, j'ai oublié le nom, mais il y a tellement de choses de partout qu'il n'y a aucune hésitation à avoir, aucune hésitation. Et quand on ouvre son état de conscience, on découvre des choses. Par exemple, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont vus en contact avec au moins un vaisseau assez proche. Et évidemment, ces témoignages vont totalement discréditer cette manifestation, parce que les gens, ils vont voir en même temps le vaisseau qui est en train d'atterrir dans leur jardin ou qui est proche, et en même temps, ils voient leur grand-mère qui est décédée dans le jardin. Donc on dit, bon, d'accord, okay. Lui, il a pris un petit peu trop de d'encens rosicrucien, hop, il a une overdose. Mais en fait, quand on comprend, c'est-à-dire que la technologie hyper sophistiquée est une technologie qui est proche des champs vibratoires de la source de bonté. De cette énergie qui permet de voyager dans toutes les distances, dans toutes les formes, dans tous les temps, et qui est proche de ce que nous sommes en tant qu'essence divine. Donc lorsqu'on est en contact avec l'émanation de certains de ces vaisseaux, ça libère en nous nos capacités spirituelles, de l'essence de ce que nous sommes, exactement comme une NDE. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait qu'un monsieur qui voit un vaisseau et aussi sa grand-mère qui est décédée depuis 20 ans dans le jardin, c'est un très bon signe. Parce que ça nous témoigne aussi d'une manifestation particulière qui semble ne pas aller ensemble et qui va totalement ensemble. C'est parfaitement logique par rapport au champ vibratoire d'utilisation de ce que ces extraterrestres vont utiliser, qui touche notre champ de conscience en extension, dans les ondes basses de notre cerveau. Tout cela est parfaitement logique. Et comme la politique des crop circles est que ce ne sont pas les scientifiques qui possèdent tout, le pouvoir qui possède tout, pourquoi? Ben parce que n'importe qui peut avoir accès à un crop circle. Vous regardez sur Internet, il y a plein de réseaux qui vous permettent de trouver des crop circles et d'aller les visiter. Et allez-y, allez les visiter dans plein de pays différents. En France, c'est interdit. Donc, quand un fermier a un crop circle, on lui demande de couper le champ. Et le gouvernement lui remboursera le prix perdu de sa récolte. Donc, les crop circles sont interdits en France. Non pas par les ovnis, mais par les Français, par le gouvernement. Mais dans d'autres pays, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, on en trouve plein. Et encore plus en Angleterre. Donc, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Eh bien, croyez-le bien. Le champ vibratoire, le champ d'évolution, le champ d'être un guerrier de la paix et de la lumière, comme l'a annoncé la troisième prédiction de Fatima. C'est une chose qui est accessible à toute personne qui a le courage d'exister et de prendre ce qui existe maintenant pour aller encore plus avant. C'est à votre disposition. Les crop circles sont l'enseignement de ce qui est à votre disposition. C'est une nourriture cosmique. Vous pouvez aller dans un champ avec un crop circle et vous pouvez recevoir l'empreinte énergétique qui va largement transformer et toucher votre évolution. Si vous avez l'honnêteté de ne pas être New Age, de ne pas être faible et de ne pas encombrer votre esprit de stupidité New Age, mais simplement de la force véritable de l'amour, de la source de bonté. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice, liberté. Et cette liberté vous permet de recevoir les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, il faut savoir que dans des cas assez faibles de NDE, des gens rencontrent aussi des êtres qui ne sont pas humains. La plupart du temps, celle-ci ne va pas arriver dans les NDE. Pourquoi? Parce que votre conditionnement vous dit que vous pouvez rencontrer votre papa, votre oncle, ainsi de suite, mais jamais d'autres personnes. Par exemple, il y a des gens qui veulent discréditer les NDE en disant, il y a une chose qui est très intéressante, quand un enfant a une NDE, parfois, il va voir des élèves de sa classe ou son papa, sa maman, qui ne sont pas morts. Donc là, c'est bien la preuve que les NDE, c'est un délire total. Ce qui est absolument faux, pour des raisons simples. D'abord, lorsque vous dormez, vous êtes en contact avec les morts, avec l'autre plan, on va dire, parce qu'ils ne sont pas morts en réalité. Donc les contacts, être en contact quand vous mourrez avec des gens qui ne sont pas morts, c'est absolument pas une contradiction. C'est simplement être dans un champ quantique d'existence interactive dans tous les sens qui dépasse absolument la petite logique de la petite humanité qui est en train de s'autodétruire. Donc forcément, si ça ne colle pas comme le paradoxe de Fermi avec toute ma présentation orgueilleuse, arrogante de pouvoir et ainsi de suite, même si rien ne fonctionne correctement sur ma planète, ça ne peut être que faux. À moins que nous ayons tort. Et comme les gens perçoivent dans les champs vibratoires ce qui les rassure, eh bien pour la plupart, ils sont terrorisés à l'idée de rencontrer un extraterrestre. Un ange, oui, ok, grâce à la Bible, à la religion, un extraterrestre, non. Et pourquoi pas? C'est juste une croyance, pas un fait. Car nous ne sommes pas séparés. Dans le champ vibratoire supérieur, dans les 70% de matière noire, d'énergie noire qui existe dans le cosmos, il n'y a qu'un seul champ d'existence, d'unité, de conscience, de communication, d'amour. J'aimerais pouvoir vous raconter plus ce que j'ai vu sur Mars, ce qui se passe. Ce que l'on sait lorsqu'on parle avec certaines entités. Mais ici, nous rentrons dans des champs de communication qui sont dangereux par rapport à certains pouvoirs qui sont autour de nous. Il y a des choses que je ne peux donner que de vive voix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ceci est accessible. Et que tout ce que vous croyez qui vous pousse à croire que c'est inaccessible rend la chose inaccessible. Ce n'est pas la chose qui est inaccessible, mais ce que vous en pensez. Et je suis certain que vous n'avez jamais entendu un speech comme le mien, simple et efficace par rapport aux extraterrestres, où les prédictions de Fatima, le maître Peter Donohoe, les extraterrestres, les résonances de Schumann, tout ça, c'est un seul package. C'est une seule évidence. Si nous n'avançons pas dans le champ de conscience cosmique, notre destin est de disparaître et de recommencer à zéro. Alors il est temps pour nous maintenant de franchir le pas cosmique, d'avoir notre place parmi les augustes frères célestes, en arrêtant toutes les horreurs de ce monde pour s'avancer de plus en plus vers une paix, une sérénité et une conscience. Je sais que bon nombre d'entre vous diraient, ah, allez, c'est trop simple, c'est trop facile. Peut-être pas. Quand vous comprenez ce qu'est le cerveau, quand vous comprenez que notre cerveau est en résonance avec le cosmos, quand vous comprenez que les miracles sont en résonance avec le cosmos et leurs habitants, qu'on appelle anges ou extraterrestres, alors toutes ces choses deviennent mais d'une limpidité, d'une simplicité, d'une efficacité évidente. Lorsque notre humanité va disparaître, car fort probablement elle va disparaître, il se peut que certains d'entre nous ayons une position dans d'autres mondes. Il se peut que nous ne soyons prêts, pas prêts, aucun d'entre nous, et que notre destin est de tous disparaître. Il se peut aussi, mais je suis assez négatif là-dessus, que l'humanité soit censée faire une révolution totale et faire un bond d'évolution. Peut-être que les crop circles et tout ce qui a été fait dans le monde est en préparation de cela, mais quand je vois la médiocrité de réaction des gens, j'ai un doute. Je me souviens avoir fait des analyses dans des crop circles en Angleterre et déclaré, moi je vois là deux choses extraordinaires. J'étais dans un crop circle avec une équipe, on était 5-6 à analyser le crop circle. Il y en avait d'ailleurs trois dans le même champ, à 100 mètres de distance. Et il y a une route qui passe un petit peu au-dessus, sur une espèce de petite colline. Donc les gens qui passent sur cette route voient tous les crop circles. Et il n'y a pas une voiture qui s'arrêtait. Avec des milliers de voitures qui passaient par heure. Pas une voiture qui s'arrête. Et plus tard, j'ai rencontré des gens dans un pub pas loin, et je leur ai dit, c'est quand même extraordinaire, ces crop circles, vous arrêtez même pas. Et la réponse de plusieurs, c'était de dire, tu crois que le crop circle, il va aller travailler pour moi? Il va résoudre mes problèmes? Ça m'intéresse pas. Et on est là, on regarde tout ça, on dit, on est quand même dans le caca. Dans ce monde, on est vraiment dans le caca. Donc le bond d'évolution de l'humanité avec le champ vibratoire qui change dans notre ionosphère, les gens qui sont capables de comprendre les crop circles, qui sont capables de comprendre que nous ne sommes pas seuls dans le cosmos, très loin de ça, très loin de là, et que le paradoxe de Fermi est d'une arrogance infinie, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, franchement. Personnellement, je me suis battu toute ma vie pour apporter la vérité, l'amour, la protection, la fraternité. On m'a torturé, on m'a traîné en prison, je suis devenu aveugle. La plupart des gens m'ont trahi. Ils ont peur. Ils ont peur. Comment être avec la lumière? Comment témoigner une NDE? Comment témoigner une illumination alors que tout le monde vous insultera et vous dira tu ferais mieux d'aller au nightclub. Tu ferais mieux de prendre un petit peu de LSD. Ça, c'est sérieux, c'est réel au moins. Allez, prends un peu d'alcool. Allez, viens, on va aller voir un match de foot. C'est sûr. Donc, au regard de tout ça, c'est très difficile d'être avec la lumière. Il faut développer une très grande force, une très grande certitude, une très grande foi. Une très grande foi. Mais en même temps, quand on a développé cette force, cette harmonie, cette cohérence, croyez-le bien. Toutes ces choses-là sont juste là à votre disposition. Si vous pouviez ouvrir les yeux, si vous pouviez voir, c'est un aveugle qui vous le dit, vous seriez sidéré du monde qui est autour de vous. J'adorerais pouvoir vous en dire plus. Malheureusement, la méthode de communication à travers Internet n'est pas sécurisée. Donc là, je dois me limiter moi-même. Expérimenter l'illumination, la vérité énergétique, l'augmentation du champ vibratoire, les NDE, avec des façons saines et équilibrées, bien sûr. Et développer vos perceptions, votre attention, votre concentration, et vous verrez tout ce que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Étudiez le FAO. Devenez fier de votre vie. Devenez courageux dans votre vie. Devenez enthousiaste dans votre vie. Devenez clairvoyant par toute cette force et toute cette joie. Et alors, toute la vérité devient un. Et croyez-le bien, nos amis, les augustes frères célestes, sont là, juste maintenant, à votre disposition. Et nous invitent à rejoindre leur fraternité. C'est le meilleur que je puisse vous expliquer actuellement à travers cette méthode de communication. Si vous en voulez plus, un jour peut-être aurons-nous l'occasion de travailler ensemble. Peut-être ne l'aurons-nous pas, car mon destin est difficile. Chaotique dans ce monde d'obscur et de violence. Je suis souvent seul, je suis souvent isolé, même si j'aide certaines personnes, même si je travaille parfois avec un groupe, le monde est très difficile. Le monde est très violent. Et même si je suis un super guerrier, je suis quand même un super guerrier aveugle. La mort peut apparaître à chaque seconde. Je vous ai laissé suffisamment de chapitres, suffisamment d'explications pour que vous puissiez apprendre tant et pratiquer tant. Que cela soit avec moi physiquement un jour, avec moi sur Internet ou sans moi, tant que vous avancez vers votre unité de conscience, votre champ vibratoire supérieur, que vous ouvrez votre champ de conscience, que vous allez chercher vos ondes cérébrales très basses et très calmes, tout est à votre disposition. Servez-vous, vivez et devenez exceptionnel pour qu'il y ait un futur sur ce monde. Merci.